Ce fut le 25 septembre que commencèrent les travaux de la nouvelle façade du Bonheur des Dames. Le baron Hartmann, selon sa promesse, avait enlevé l'affaire dans la dernière réunion générale du Crédit Immobilier. Et Mouret touchait enfin à la réalisation de son rêve. Cette façade, qui allait grandir sur la rue du 10 décembre, était comme l'épanouissement même de sa fortune. Et au Bonheur des Dames, le règne de Denise commençait. Seul, Bourdoncle, le surveillant général du magasin, ne désarmait pas. Dans la guerre sourde qu'il continuait contre la jeune fille, il y avait d'abord une antipathie de nature. Il la détestait pour sa douceur et son charme. Puis, il la combattait comme une influence néfaste qui mettrait la maison en péril le jour où Mouret aurait succombé. Les facultés commerciales du patron lui semblaient devoir sombrer au milieu de cette tendresse inepte. Ce qu'on avait gagné par les femmes, ça n'irait par cette femme. Toutes le laissaient froid. Il est traité avec le dédain d'un homme sans passion, dont le métier était de vivre d'elle, et qui avait perdu ses illusions dernières en les voyant, à nu, dans les misères de son trafic. Au lieu de le griser, l'odeur des 70 000 clientes lui donnait d'intolérables migraines. Il battait ses maîtresses dès qu'il rentrait chez lui. Et ce qui l'inquiétait surtout, devant cette petite vendeuse, devenue peu à peu si redoutable, c'était qu'il ne croyait point à son désintéressement, à la franchise de ses refus. Pour lui, elle jouait un rôle, le plus habile des rôles, car, si elle s'était livrée le premier jour, Mouret, sans doute, l'aurait oublié le lendemain. Tandis qu'en se refusant, elle avait fouetté son désir, elle le rendait fou, capable de toutes les sottises. Une rouée, une fille de vices savants, n'aurait pas agi d'une autre façon que cette innocente. Aussi, Bourdoncle ne pouvait-il la voir, avec ses yeux clairs, son visage doux, toute son attitude simple, sans être pris maintenant d'une peur véritable, comme s'il avait eu, en face de lui, une mangeuse de chair déguisée, l'énigme sombre de la femme, la mort sous les traits d'une vierge. De quelle manière déjouer la tactique de cette fausse ingénue? Il ne cherchait plus qu'à pénétrer ses artifices, dans l'espoir de les dévoiler au grand jour. Certainement, elle commettrait quelque faute, il la surprendrait avec un de ses amants, et elle serait chassée de nouveau. La maison retrouverait enfin son beau fonctionnement de machine bien montée.